Le vert de gris est un raciste, le vert de gris est un fasciste. Il rêve de la France aux Français, avec Zemmour à l'Élysée. Antiraciste qui nous protégera des fascistes pour atteindre l'immunité et partager la liberté. Le vert de gris est homophobe, c'est un vrai mec, pas un microbe. Salut nazi devant sa glace, pour lui les femmes sont toutes des garces. Le ver de gris cultive sa haine, dans son cerveau il y a des chaînes. Un grand vaccin antiraciste qui nous protégera des fascistes. L'immunité et partager la liberté. Après un cubi de vin rouge, il tire un peu sur tout ce qui bouge. Les derniers verres n'arrangent rien, il peut même plus se lever le matin. C'est un facho, c'est avant tout un alcoolo. Pas quand le vaccin antiraciste qui nous protégera des fascistes pour atteindre l'immunité et partager la liberté. Cerveau défile derrière un Philippot. Son écran c'est un caniveau, c'est là qu'il pêche toutes ses infos. Dans les manifs de vert de gris, il y a des vers qui sont dans le fruit. Un col vaccin antiraciste.